إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous poursuivons notre série d'interventions intitulée Les preuves du Tawhid. Et aujourd'hui nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, trois preuves du Tawhid. La première est le verset 23 de Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Ce verset est une explication du tawhid. Le tawhid consiste à adorer Allah Azza wa Jal et délaisser toute autre adoration. Quant à adorer Allah sans délaisser l'adoration de ce qui est adoré en dehors de lui, ce n'est pas le tawhid. Les polythéistes adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adoraient également autre que lui. C'est pour cela qu'ils sont devenus polythéistes. Le plus important n'est pas que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important, c'est que tu adores Allah seul, sans rien lui associer, que tu lui voues un culte exclusif. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset ait mentionné son droit qui est le tawhid, il a mentionné le droit des parents. Lorsqu'il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Donc il dit est marqué de la bonté envers les pères et mères. Et ici le droit des parents vient directement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont eux qui ont été le plus bienfaisants envers toi après Allah. Ainsi, il est obligatoire d'être bon envers ses parents. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, le droit d'Allah est cité en premier, car c'est lui qui a le plus de droits sur nous. Et ceci nous indique que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire sur le droit des créatures. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. S'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela. Naam, car le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus immense. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala passe avant celle des créatures. Ainsi, est toujours pour but de satisfaire ton Seigneur, surtout que tu ne pourras jamais satisfaire toutes les créatures. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i rahmahullah disait: Ridan nas ghayatun la tudrak. La satisfaction des gens est un but inatteignable. Naam. Donc le lien entre le tawhid et ce verset est que ce verset indique l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. La deuxième preuve que nous allons voir aujourd'hui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله سبحانه وتعالى dit selon le sens, adorez Allah sans rien lui associer et faites preuve de bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et ceux qui sont sous votre joug. Les savants ont appelé ce verset le verset des 10 droits. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 10 droits dans ce verset. Et le premier de ces droits, qui est également le plus immense et le plus important, c'est le tawhid, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et lorsque nous disons qu'il ne faut rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est général, que ce soit un ange, un prophète, un pieu, une tombe ou autre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah sans rien lui associer. Et les savants nous disent que lorsque le mot indéfini est précédé par un ordre, ou bien n'am, lorsque le mot indéfini est précédé par l'interdiction, ceci montre la généralité. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit adorer Allah sans rien lui associer, ceci est général. Et après avoir mentionné donc le droit le plus immense qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 9 autres droits. Il a mentionné azza wa jal le fait de faire preuve de bienfaisance envers les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et ceux qui sont sous notre joug. Et le droit le plus immense, comme nous l'avons mentionné précédemment, est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Donc le lien entre le verset de Tawhid et qu'il indique l'obligation d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. La troisième preuve que nous allons voir aujourd'hui, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens dans le verset 151 de sourate Al-An'am, dit: venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, car c'est nous qui pourvoyons à votre subsistance ainsi qu'à la leur. N'approchez pas les turpitudes, manifestes ou cachées, et ne tuez pas ce dont Allah interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit. Voilà ce qu'il vous ordonne, afin que vous raisonniez. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné certains interdits. Et le premier interdit qu'il a mentionné, c'est le shirk. Et ceci nous indique que le shirk est l'interdit le plus grave. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'est-ce que le shirk? Surtout que c'est un mot qui revient souvent dans notre religion. Le shirk consiste à donner un égal à Allah, Azza wa Jal, dans ce qui lui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Shu'ara: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: quel est le péché le plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes en égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. Et le shirk, ikhwani fillah, est le péché le plus grave, comme vous venez de l'entendre. Celui qui meurt sur le shirk, c'est-à-dire qu'il commet un acte de polythéisme sans se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui sera interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit: innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer pour les injustes, point de secoureur. Également, le shirk est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est-à-dire, pour celui qui meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dit: inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Également, le shirk annule l'ensemble des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Zuma: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Également, le shirk est la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman: inna shirka la zulmun azim. Certes, le shirk est la plus grande des injustices. Et le shirk, ikhwan fillah, est la chose la plus insensée. Allah azza wa jal dit dans sourate Al-Hajj: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah Azza wa Jal dit: vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien, car celui qui associe à Allah est semblable à celui qui tombe du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Et tout ceci nous montre la dangerosité du shirk. Et donc, dans le verset que nous avons mentionné précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certains interdits. Et le premier de ces interdits, c'est le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le shirk en premier, car c'est le péché le plus grave. Et ce verset nous explique le tawhid. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le shirk en première position. Le shirk, c'est le pire des péchés, tout comme son contraire est la chose la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire du shirk, c'est le tawhid. Et les savants de la sunna nous mentionnent un point qui est très important. Il y a plusieurs manières de clarifier et d'exposer le tawhid. La première manière est de mentionner le tawhid. Par exemple, tu vas mentionner un verset tel que wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Par exemple. Et la deuxième manière c'est de clarifier le tawhid par son contraire. Par exemple, tu vas mentionner un verset tel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec lui. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla n'agrée pas qu'on invoque autre que lui ou qu'on invoque quelqu'un avec lui. Donc qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée? Il agrée qu'on l'invoque seul, sans associé. Et ceci, ikhwani fillah, est les deux procédés que les savants de la sunna utilisent dans leurs livres. Et parmi ceux qui ont utilisé ces deux procédés, on retrouve l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmahullah, dans son livre intitulé Kitab al-Tawhid. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.